effet, aucun numéro trouvé, les yeux tout défoncés. Une bagarre qui éclate, des bouteilles qui se brisent, une dispute incomprise, plus personne se maîtrise. Après plusieurs histoires et tout ce foutoir, la paix s'installe.